Le 23 avril, le porte-parole du comité central de l'Union de la jeunesse kim-sunniste Kim Jong-iliste a publié une déclaration pour exprimer la volonté des jeunes coréens d'exterminer impitoyablement les impérialistes américains et les fanas de guerre sud-coréens. Il a indiqué « Les impérialistes américains et les traîtres sud-coréens prétendent ouvertement jusqu'aux frappes préventives et cherchent à porter atteinte à notre dignité et à notre régime socialiste. » À cette nouvelle, 5 millions de jeunes avant-gardistes coréens brûlent de l'indignation implacable contre eux. La grande armée de la jeunesse Paektusan est fin prête à devenir 5 millions de bombes nucléaires et à anéantir sans pitié la bande des malfaiteurs qui cherchent à précipiter le territoire sacré de la patrie dans les affres d'une guerre nucléaire et attend l'ordre final de la direction de la révolution. Les impérialistes américains doivent bien savoir que rien n'est impossible devant l'indignation de nos forces nucléaires invincibles et de la grande armée de 5 millions de jeunes. À la moindre provocation des ennemis, les jeunes avant-gardistes qui forment un détachement particulier du commandant suprême et la troupe intrépide pour l'accomplissement de l'œuvre révolutionnaire Chuché se feront éclair et tempête du Paektu pour libérer le territoire sud-coréen comme une traînée de poudre et réduire à néant le bastion de l'Empire du Mal au-delà du Pacifique dans le duel avec les États-Unis et dans la guerre pour la réunification nationale. Le monde verra comment la grande armée de la jeunesse Paektusan engagée dans la guerre sacrée anéantit les provocateurs et les agresseurs pour gagner la victoire finale.